Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. On va parler de la Ligue du Lac au Fleuve. On va parler évidemment qu'il y a eu une transaction cette semaine avec le multiconcessionnaire. On va parler également des honneurs individuels de la semaine. On en parle avec notre ami le commissaire de la Ligue, Mathieu Garon. Salut Mathieu. Salut Danny. Mathieu, évidemment, on va parler de cette transaction qui est survenue cette semaine impliquant le multiconcessionnaire. Écoute, Marc Simard, qui est de retour à Dolbeau-Mistassini, il a joué avec les Castors juniors à l'époque, dans les années 80. Moi, j'ai parti à rire quand il est sur, au départ. Je dois te dire que je trouvais ça farfelu. Comment le commissaire de la Ligue a trouvé ça? Si moi, j'ai trouvé ça farfelu, le commissaire de la Ligue a dû se poser des questions aussi? Pas vraiment. Je vais être honnête avec toi. Là. J'ai pas... Je sais que ça fait longtemps que le dossier se travaille. On avait jasé là, depuis le début de l'année là, que le multiconcessionnaire voulait avoir les droits sur Marc Simard. Je savais que c'était pas un joueur qui allait être régulier, mais eux, justement, ils voulaient l'avoir dans l'organisation. Donc, je sais qu'il y a des hommages, je vais faire des activités avec lui suite du temps du junior et tout. Fait que pour moi, là, c'est pas farfelu. Si on réussit à s'entendre, si M. Simard a pu se mettre en forme là pour pouvoir jouer sa match en fin de semaine, moi je vois aucun problème là-dessus. Non, mais moi j'ai trouvé ça, mais au départ, le gars, tu sais, je connais pas Marc Simard, là, tu sais, mais on me dit dans les années 80 que c'était tout qu'un joueur, puis c'était la vedette, dans le temps que le hockey à Dolbeau-Mistassini marchait beaucoup plus que ça, là, mais je me suis dit, 54 ans, quelle image ça va donner à la Ligue, là-dessus, vous autres, tu t'es pas posé là-dessus la question? Moi, je me l'ai supposé, en tout cas. Mais tu connaissais le gars, par exemple, c'est ça la différence. Honnêtement, je connais pas vraiment le gars, je connais pas le joueur, je connais de réputation, ouais. Mais je connais pas vraiment de joueur, comme j'ai jamais vu vraiment jouer au hockey. Mais écoute, je pense que l'individu, il doit être très solide, il est capable de pouvoir évoluer. Je pense que comme j'ai entendu dans l'entrevue, là, ça fait 4 mois qu'il est au gym, qu'il se prépare à ça. Je pense pas que ça va être un joueur de premier trio non plus. Rendu là, je pense que à l'organisation du multiconcessionnaire, il pourrait vraiment donner plus de commentaires sur ce sujet-là. Non, mais c'est parce que j'ai changé complètement d'idée après l'entrevue. J'ai entendu quelqu'un de sérieux qui le faisait pour les bonnes choses, mais au début, c'était pas du tout la même opinion que j'avais. Mais bref, j'ai hâte de voir samedi soir. Je sais que les gens s'attendent à une bonne foule pour le retour de Marc Simard. J'ai bien hâte de voir ça. Effectivement, moi, je vais être présent aussi samedi soir, donc j'ai hâte de voir ça. OK. Donc, dans cette transaction, le multiconcessionnaire obtient Alexandre Tremblay, les droits de Marc Simard et le deuxième choix en retour de Michael Larue. Et le premier choix repêché. Michael Larue, ça a pas joué, ça, avec le multiconcessionnaire. C'est des droits, hein, en fond. Oui, c'est des droits, là. Michael Larue, c'est un joueur qui provient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Il avait été mis sa liste de protection l'année passée au début de la saison. Jonquière, on par la suite libéré. Puis par la suite, il était réclamé au balotage par Haute Côte-Nord. Puis il s'est ramassé qu'il y a eu une transaction entre Haute-Côte-Nord et le multiconcessionnaire pour l'avoir. Mais là, maintenant, il est revenu à Jonquière. Michael Larue, c'est pas un joueur qu'on va voir prochainement là, jouer au hockey. Il est blessé au dos. L'information que j'avais reçue. Donc, c'est juste que vraiment, là, c'est un joueur de Jonquière. Puis Bob Desjardins tenait à l'avoir dans son organisation. S'il désirait retourner au jeu dans les prochaines années. OK. Moi, je vais te poser une question avant d'y aller sur les honneurs individuels. On en a parlé, vous y allez avec les statistiques. Mais s'il y a un gars, s'il y a quatre gars qui ont les mêmes statistiques, exemple, ça peut arriver, ça, là. Le système est quand même assez intelligent. OK. Je dirais que c'est vraiment, là, il va calculer vraiment, là, il y a plusieurs facteurs qui calculent là-dedans. Je pourrais pas te dire tous les éléments qui sont calculés là exactement, mais pour l'instant je trouve que le système est assez bien fait là pour la sélection des choix des étoiles. Non, mais Mathieu, si jamais il y a un gars qui fait qui a les mêmes statistiques, sur quoi qui se base? Sur les plus, les moins, sur les chances de marquer, sur l'action? Là, tu me dis... Honnêtement, je connais pas la formule qui est faite. Okay. Mais comme je vais te le dire, le système là est quand même très bien fait. Okay. Il est très, très intelligent à ce niveau-là. Fait que je pourrais pas te dire exactement comment que le système procède là, pour la sélection des choix des étoiles. OK. On va y aller maintenant avec donc les trois étoiles de la semaine. Oui. De mémoire... C'est Alexandre Larouche. Alexandre Larouche à Clermont. Une bonne fin de semaine dimanche soir. Dimanche après-midi, sous Clermont, quand même marqué, je crois, c'était deux buts. C'est ça, exactement. Par la suite, la deuxième étoile est revenue à... Cédric Chou. Encore la même mémoire. Oui, donc encore une très bonne performance. Puis la troisième étoile, là, est revenue à Frédéric Gagnon, d'autre Côte-Nord. C'est quand même au Côte-Nord, ça a très bien été pour eux autres en fin de semaine, là, lorsque le multiconfessionnaire est rendu visite à Forestville. Ça s'est fini en fusillade. Donc, au Coton ont enfin ramassé leur premier point de la saison régulière. Mais je pense que là, il y a encore ça des ajustements à faire, mais je pense que ça va bien aller pour l'organisation. Chez Gdolbo, par contre, il y a eu des petits incidents, là. Les deux gardiens de but avaient été blessés durant le match. Ah oui. Je sais pas si ça a permis, pas des blessures majeures, là. Mais okay. Je sais pas si ça a permis au Coton de profiter un peu de cet avantage-là. Mais bon, ça a quand même bien été pour eux autres. Fait que je suis confiant un peu pour le reste de la saison là, de l'organisation, comme je l'ai déjà mentionné dans les entrevues précédentes. OK. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine, Mathieu? Oui, effectivement. Donc, en fin de semaine, comme on parlait du match samedi soir, c'est le même MGR Express de Saguenay qui rend visite de le beau Mississini. Et également, en même temps, à Forestville, là, c'est l'organisation des Éclairs de Charlevoix là, qui rend visite l'équipe de la Haute-Côte-Nord. Et on rappelle que les gens, c'est le temps des fêtes, donc les gens invitent les gens de Dolbeau-Mississini, l'organisation, à amener des denrées non périssables. Donc, il devrait y avoir beaucoup de monde pour le retour de Maxima. On s'en reparle la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Mathieu Caron, le commissaire de la Ligue.